Ugatwimba, kama wende wende na mebogera tumbo elbizimbi acho patecho pege. Wenge didi age buna kumono zizi. Tubanja kogeo. Merci. Soyez tous salués et une fois de plus, merci. Ce mot merci est chargé autant d'énergie et de pouvoir que lorsque ce merci arrive à vos oreilles, que Tetan Zambé, le Tout-Puissant, l'être qui a tout créé, vous remplisse de la paix, de la sérénité et vous enlève le doute et le trouble. Car le cœur de la plupart de nos frères Kémites, Kouchites, peuple noir, leur cœur est tellement troublé. Troublé à cause des programmations. Et ce que j'appelle les programmations, ce sont les religions imposées et importées. Leur conscience est manipulée jour et nuit. Oh là là, voilà pourquoi je demande une fois de plus que l'honneur, la gloire, la puissance, l'adoration, l'élévation, le respect lui reviennent à lui seul, non pas sous couvert de quelqu'un. C'est-à-dire Tetan Zambé, Tetan Mwanga, Dibanga Banga, l'être suprême, quel que soit le nom qu'on lui attribue, que ce soit Allah Akbar, que ce soit Yahvé, que ce soit Jéhovah, que ce soit le Père éternel, à lui seul revient l'adoration. C'est seulement lui qu'on doit adorer jour et nuit. C'est seulement lui. Le reste, ce sont des pouvoirs qu'il a délégués. Et ceux à qui il a délégué ces pouvoirs, il y a toute une rangée, il y a toute, comment dirais-je, toute une population Donc, autour de lui, il a donné des pouvoirs, ce que les blancs là-bas appellent les archanges. Ces archanges, ils sont en quatre catégories. Mais moi, j'ai étudié beaucoup plus la catégorie des chérubins, la catégorie des séraphins et une autre catégorie là. Ceux-là, c'est du domaine supérieur. Maintenant, en dehors d'eux, il y a d'autres anges. Et il y en a même quatre qui sont bien connus, qui gardent les quatre coins de la planète Terre. Ceux-là, ce sont des génies, mais des génies immatériels, c'est-à-dire des êtres réels, non égrégoriques ou énergétiques ou bien entités. Non, parce que ceux-là, ils ont été créés par Teta Mwanga lui-même directement. Maintenant, ceux-ci à leur tour, les Elohim, donc, qui sont les premiers dieux vivant sur cette terre, ont contribué à la création de d'autres créatures. Teta Mwanga également, dans sa création universelle, en dehors des archanges, les anges, les principautés et bien d'autres esprits tels que les daimons ou les démons qui sont dans des planètes plus avancées, plus évoluées que la planète Terre, qui sont bien sûr les gardiens de ces milieux-là. Il y a également ce que les humains appellent les démons, c'est-à-dire que les génies qui ont délibérément choisi de faire uniquement le mal, ayant oublié le principe de l'équilibre du bien et du mal, eh bien, ceux-là aussi, ils existent dans le monde immatériel. Il existe également, comme je vous l'ai toujours dit, que Teta Mwanga, l'être suprême, a créé des êtres qui lui sont semblables, non pas seulement l'homme que nous sommes, nous avons été créés à son image, et nous sommes sa ressemblance, de par essence divine nous le sommes, nous sommes d'abord esprit avant tout, car c'est l'esprit qui m'a permis, moi, de voyager dans l'espace et le temps, et de venir habiter dans ce corps que vous voyez. Avant ce corps-ci, j'étais dans un corps qui était plus violent, plus méchant, j'avais près de 1,40 m de taille. Ça remonte il y a près de 700 ans. D'accord? Donc, mon âme, ma divinité, la partie de Dieu qui est à moi, a évolué d'incarnation en incarnation. Mais dans le monde invisible, il y a également des esprits catégoriciels. Je vous l'ai dit, des esprits de différentes catégories. Nous avons donc ces archanges, nous avons les anges, nous avons ceux qui se chargent de certaines missions. Et au niveau planétaire, donc chaque planète également a un génie très puissant. Et sous cette planète, il y a également des génies. Et de chaque planète, par exemple, au cas de la planète Terre, il y a un génie qui est au-dessus, dont le nom commence par S. Ce n'est pas Satan, rassurez-vous. Les vrais initiés savent. Et maintenant, en dessous donc, de cette entité qui commande toute la planète Terre, en fait, qu'on a attribué le dieu solaire ou le Logos, donc c'est ce dieu Logos ou logologique qui détient tous les pouvoirs au niveau de notre plan galactique. Et à lui seul, donc, il a en dessous de lui d'autres génies ou divinités. Par exemple, chaque pays a une divinité bien précise. Et à chaque région, il y a une divinité. Et à chaque village, il y a des divinités ou des génies. Et de chaque village, puisqu'on retrouve également des clans, des ethnies, l'homme a évolué également dans le plan matériel en posant des actes émotionnels et spirituels en connexion avec les siens. Donc les siens, c'est qui? Ce sont ses ancêtres. Aujourd'hui donc, je vais vous amener, une fois de plus, vous parler donc de ces différentes catégories et quels sont les aliments dont ils ont besoin pour pouvoir recevoir vos doléances les plus formelles, pour ne pas dire les plus légitimes. Donc, merci encore. Si je vais simplifier les choses, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais je vais vous donner des grandes lignes. Et un prochain enseignement, donc je viendrai dans les grandes lignes de chaque chapitre. Donc nous allons voir sûrement entre 4 et 5 chapitres aujourd'hui, de ces différentes entités que nous ne maîtrisons pas, mais que certains d'entre nous, y compris votre humble serviteur, nous maîtrisons car nous communions avec eux. Ceci donc étant, une fois de plus, je vous remercie. Car ce samedi soir, avant de passer à mes jours de silence qui commencent dimanche, lundi et mardi, j'ai déjà noté que nous sommes presque en moins d'un mois, donc en 26 jours, nous avons atteint 2000 abonnés. Mon Dieu, je ne peux que vous remercier. Et quand j'ai regardé les statistiques de ces 2000 abonnés, nous avons, waouh, le Gabon bat le record. Au niveau du Gabon, nous sommes à 800 abonnés. Au niveau de la Côte d'Ivoire, 95 abonnés. Au niveau du Congo, il y a eu une baisse. 39. Cameroun, 112. France, 91. Et le reste, il n'y a eu que un ou deux, ça et là. Donc, c'est pour vous dire, merci une fois de plus. Merci beaucoup. Merci. Au niveau des États-Unis, bon, je n'ai pas eu besoin de l'écrire. Il y a eu à peu près 380 personnes abonnées. Et ces 380 personnes qui s'abonnent au niveau des États-Unis, ce sont des Africains francophones. Hein, la majorité. Il y a eu seulement 29 qui sont purement américains, nés dans ce pays, mais qui comprennent un peu le français et ils utilisent le système de transcription. Je vous informe que ici aux États-Unis, pas pour vous qui êtes en Afrique, vous ne pouvez pas le faire, mais vous pouvez peut-être le faire à partir de votre téléphone. Vous mettez la transcription. D'accord? Donc, ces Américains mettent la transcription et ils reçoivent le message en anglais directement. C'est ce qui a évolué. Par rapport à vos nouveaux téléphones, je ne sais pas quel est le vôtre. Moi, ça, c'est une tablette Samsung qui est associée avec la nouvelle tablette S22 que j'ai pris à peine un mois. Avant ça, c'était la tablette Note, autant pour moi. La Note 21S, et là, je suis à 22 maintenant. On essaie d'évoluer aussi avec la technologie pour une meilleure qualité et une meilleure maniabilité et surtout un meilleur contact à travers le monde. Car c'est le moyen par excellence où nous pouvons former ce village planétaire. Donc, Ivoiriens, merci. Camerounais, Congolais, Martiniquais, Français, Gabonais, je ne sais pas, la liste est trop longue. Je vous remercie tous de la confiance que vous mettez à ma humble personne. En effet, si vous êtes tombé amoureux de mes enseignements, ce n'est pas parce que j'ai un pouvoir magique quelconque, mais c'est tout simplement, d'après le feedback que j'ai eu de certains d'entre vous, j'ai discuté avec deux médecins. Un médecin qui est basé au Port-au-Prince en Haïti et un autre qui est du Burkina Faso. Ils m'ont manifesté leur intérêt et ils m'ont également exprimé leur reconnaissance et surtout, ils m'ont dit ce qui leur a attiré vers moi et que j'arrête de me plaindre que je ne parle pas bon français. Merci beaucoup. Ils me disent que je m'exprime bien et que vraiment la substance de mes enseignements, ça les a beaucoup touchés. Et ils sont allés fouiller effectivement beaucoup les rites qui sont disponibles ici. Et ces rites, ils voient, ils ont constaté que ça marche. Sauf qu'ils m'ont posé certaines questions techniques que j'aurai le temps de leur répondre à partir de mercredi. Ceci donc étant, je vous encourage toujours, tous ces nouveaux abonnés, d'amener chacun de vous au moins 10 ou 20 amis autour de vous, et de leur dire ceci. Quand ils viennent ici, il ne faut pas qu'ils soient impatients comme certains d'entre vous déjà. Parce que je constate déjà malheureusement que les gens commencent à s'impatienter. Ils veulent avoir des réponses tout de suite, tout de suite. Sachez que là bientôt, en si peu de temps, vous allez être au-delà de 10 000, voire 20 000 abonnés. Alors je suis tout seul à gérer tout cela. Je le répète que je suis tout seul. Et là, je ne vis pas de ceci. Mais il y a... Je constate que c'est un seul administrateur en ce moment qui fait tout le boulot. Et ce jeune ne reçoit aucun per diem. Vraiment, je le remercie beaucoup. Parce qu'il fait des sacrifices dans son temps. Donc, ceci étant, soyez patient avec moi. Et je répète que les consultations sont suspendues. Je ne fais pas de consultations pour le moment jusqu'à au mois de juillet. Pourquoi? À cause du fil de la liste d'attente. Il y en a tellement. Donc, je ne veux pas que les gens commencent à dire « Oui, oui, oui, mais j'ai envoyé mon argent. Oh, il m'a escroqué. » On n'a jamais eu ce genre d'incident depuis près de 5 ans que je me suis montré au public et que je fais ceci. Ceci étant, donc, nous allons rentrer droit au but. Aujourd'hui, donc, je vais vous parler des différentes catégories d'entités ou des génies. En tenant compte, je ne vais pas me répéter tous les jours, il y a la vidéo qui est là. Sûrement, certains chrétiens ont été frappés par cette information, où il est écrit quelque part que Dieu a créé toutes les nations et à chaque nation, il a assigné une entité bien précise et laquelle entité va agir en lieu et place, à la place, en lieu et place de Dieu. Pourquoi? Parce que celui que nous appelons Dieu, il agit par pouvoir délégatoire. Donc, il délègue ses pouvoirs, tout comme dans une administration, vous avez le CEO ou le PDG, mais sous le PDG, il y a un DGA, il y a un DGT, il y a un DG ceci, directeur général technique, directeur général délégué, directeur général administratif. Et directeur général administratif, il y a un adjoint. Donc, il y a toujours cette délégation. Si déjà cette logique au niveau des humains y existe, rassurez-vous que tout ce qui est ici-bas est comme dans les cieux. Que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. À tout état de conscience égal à tout état de vie. Donc, il en est de même dans le monde invisible. Celui que vous appelez Dieu, il a des pouvoirs délégatoires. Et ces pouvoirs délégatoires sont assignés, naturellement, à des entités qui jouent chacun à son niveau un rôle bien précis. Maintenant, ce qui nous intéresse aujourd'hui, je vais vous parler d'abord de ceux qui nous sont directement liés, c'est-à-dire les ancêtres. D'accord? Ne pas confondre ancêtre, entité ou génie, parce que quand on dit entité, c'est la même chose que génie, c'est-à-dire des êtres désincarnés. Je répète, ne jamais confondre entre ancêtre, entité ou génie, et génie de type égrégorique, ou entité de type égrégorique, entité de type divin, donc créée directement par Theta Mwanga. Également, nous allons toucher le côté des ce qu'on appelle les génies familiers. Les génies familiers à titre égrégorique, c'est-à-dire familier, comme le mot le dit, c'est des génies qui sont fabriqués à partir des éléments de la nature. Et ces génies existent bel et bien. J'en ai déjà donné les enseignements dans les différentes catégories ici, mais ce que je vais vous donner, un petit rappel, est comment les convoquer ou bien comment les nourrir. Ensuite, nous avons également d'autres entités, mais qui sont purement, on les appelle des totems. Les totems, ça peut être représenté par les masques que vous voyez. Le masque fang, c'est aussi un totem, mais c'est en même temps une divinité. Maintenant, en dehors de cela, il y a d'autres totems qui sont spécifiques à chaque clan ou à chaque tribu. Du côté de mon père, le clan que nous avons, notre totem, c'est le perroquet. Maintenant, du côté de ma grand-mère Sake, le totem, c'est la panthère noire, qu'on dit Ngoi Ngasinga. Voyez-vous? Donc, ces totems-là également ont un rôle qu'ils jouent dans le monde invisible. Et on peut également les nourrir. Mais comment nourrir ces différentes catégories? Ce n'est pas fini. Enfin, cinquièmement, les génies. Je vous ai dit la dernière fois que quelqu'un m'a posé la question, je dois lui dire quel est le génie de la Côte d'Ivoire. Bon, s'il vous plaît, il serait mal placé pour moi de rentrer dans la vie mystique spirituelle des Ivoiriens. Il y a des grands maîtres invisibles, il y a des grands maîtres puissants, mystiques, que je respecte en Côte d'Ivoire. Rapprochez-vous auprès d'eux. La plupart des hommes politiques de la Côte d'Ivoire, ils connaissent. Parce que vous ne pouvez pas être un homme politique si vous n'avez pas maîtrisé le monde invisible, si vous n'avez pas maîtrisé les sciences occultes, si vous n'avez pas maîtrisé les rites traditionnels de chez vous. En fait, c'est la logique. Voyez, voilà pourquoi dans la plupart des pays africains, chez les Blancs, ce n'est pas trop perceptible. Mais il y a des choses qui se passent, à moins que je vienne vous en parler. Moi, j'ai vu cela quand M. Obama avait été élu. J'ai vu cela quand M. Je commencerai par Bush. Quand Bush avait été élu, j'étais ici. Ensuite, Obama, quand il avait été élu, j'étais là. J'ai vu des choses. Voyez-vous, eux aussi, il y a des formes de choses de leurs entités qui prennent des sacrifices. Mais c'est isolé, les gens n'en parlent pas trop. La presse ne s'intéresse pas à cela. Mais chez nous, en Afrique, vous verrez qu'il y a des bousculades au niveau des autorités politiques. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Des corps abandonnés, ça et là, des choses. Ils ont chaque chef d'État, il y a ceux qui ont jusqu'à 100 marabouts. Les marabouts qui sont des lecteurs, des médiums, des mystiques, qui sont capables de maîtriser certaines forces, dont ici je ne néglige pas leur pouvoir. Certains font du bon travail, mais d'autres aussi abusent. Donc, si à ce niveau, les hommes politiques et autres, ils travaillent également avec ces entités de leur pays. Donc, la personne qui m'a posé la question, comment s'appelle, ou bien quelle est l'entité, le genre de l'entité, est-ce que c'est une entité féminine ou masculine en Côte d'Ivoire, je ne vais pas m'intéresser à cela. Je me suis intéressé beaucoup plus à la zone de Grand Lac ici. Je connais la plupart des entités de tous les pays de notre sous-région ici-là, c'est-à-dire le Gabon, le Cameroun, le Congo, le Rwanda, le Tchad et j'en passe. Mais je pourrais éviter des palabres, que les gens ne viennent pas ici fourrer le nez pour me dire que je fourre le nez dans leur génie. J'ai parlé plus de mon pays, le Gabon. Parce que ce génie, cette entité, je l'ai moi-même contacté avant de venir ici aux États-Unis. En 1998, je parlais avec elle. En 2002, lorsque je quitte le territoire gabonais définitivement pour venir m'installer aux États-Unis, je parlais avec elle. Et je sais ce que je lui ai donné pour pouvoir garder la connexion jusqu'à ce jour et communier avec elle. Maintenant, ceux qui doutent, ça c'est leur business. C'est pour cela, la dernière fois, je vous ai dit, le problème du Gabon est un problème beaucoup plus spirituel que politique. Parce que si les politiques n'arrivent pas à comprendre la véritable raison de pourquoi le pays n'avance pas, pourquoi il y a des problèmes, pourquoi il y a le sang, pourquoi il y a... Mais mon Dieu, mais on est bloqué, l'argent, les milliards qui viennent, mais rien, on ne voit rien qui sort au sous-sol. Il y a une raison, et cette raison, elle est spirituelle, je vous l'ai dit. Il faut parler à notre entité qui est une entité féminine. Et je l'ai dit, et ils le savent, j'ai eu des réactions de certains hommes politiques qui sont des initiés, qui m'ont dit, c'est vrai. Maintenant, il va falloir lui parler. Maintenant, aujourd'hui, ceux qui se posent des questions, ceux qui savent maintenant que chaque, dans leur pays, faites vous-même vos recherches, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Togo, au Bénin, vos génies, vos entités de vos pays-là. Il faut savoir ce quoi pour leur donner et pour se nourrir. Vous serez surpris. Commençons par les ancêtres. Les ancêtres, ce qu'il faut leur donner pour se nourrir, c'est quoi? Quand je parle leur donner, nourrir, mais les honorer. Et là encore, j'ai suivi des gens qui ont réagi par rapport aux déclarations d'un frère qui est initié, ou je ne sais pas quelle est sa spécialité, qui fait la guerre à certains initiés qui seraient en train d'adorer les ancêtres. Nuance, je le répète toujours, on adore Teta Mwanga, Dibanga Banga, Dieu, l'être suprême. Nous croyons en lui, le Dieu suprême qui a créé tout. Mais nous travaillons. Étant donné que lui, c'est pas qu'il est occupé, il ne peut pas nous écouter, il nous écoute parce qu'il agit par pouvoir délégatoire. Je l'ai dit tout au début de mon introduction. Et ceci donc étant, il y a chaque entité qui joue un rôle important pour venir au secours de l'homme. Et nous commençons donc par l'ordre le plus bas, que sont nos ancêtres. Parce que nos ancêtres, c'est le cordon ombilical qui nous lie directement au premier homme qu'on appela Adama. Donc, Adam avait dit la terre, Adam, tiré de l'humus de la terre noire. Maintenant, cela n'empêche pas, puisque ces êtres-là qu'on appelle les ancêtres, c'est des êtres désincarnés. Si vous voulez, moi je n'aime pas utiliser le mot mort, parce que mort veut dire n'existe plus. Or, nous, dans l'initiation, quand on dit que quelqu'un est mort, il a fait seulement une transition. C'est le corps matériel là, c'est celui-ci qui est détruit. Poussière, tu es poussière, il retourne. Mais son âme reste d'éternité en éternité. Sauf cas exceptionnel, une âme qui pêche, une âme qui tue, une âme qui fait le désordre, qui viole les lois immuables de Teta Mwanga. Cette âme-là, Dieu peut tuer cette âme-là. Oui, Dieu seul a la capacité de tuer l'âme de quelqu'un, mais pas un humain. Un humain peut tuer le corps physique, mais ne peut tuer l'âme. Voilà pourquoi les paroles qui ont été dites par... Un prophète quelque part, ayez peur, n'ayez pas peur de celui qui peut tuer le corps, mais ayez plutôt peur de celui qui peut tuer et le corps physique et le corps spirituel. Donc, nos ancêtres, pour les nourrir, c'est quoi? Si vous ne connaissiez pas, renseignez-vous, mais on donne le basique. Le basique veut dire unanimement de l'Afrique du Sud jusqu'en Afrique de l'Ouest, jusqu'en Afrique de l'Est, jusqu'en Afrique du Nord, et nous sommes tombés d'accord que ce que nos ancêtres mangeaient, c'est ce que nous mangeons. D'accord? Sinon, il est important de savoir quand même ce qu'eux, ils avaient l'habitude de manger. Moi, les miens, je sais ce qu'eux, ils avaient l'habitude de manger. Ce qui fait que si vos ancêtres, maintenant, ça varie d'un pays à un autre. Maintenant, je trouve déplacé qu'un Gabonais va mettre la cola. Non, nous ne connaissons pas la cola. La cola, c'est pour nos frères de l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi? Mais parce que la plupart des Maliens, la plupart des Sénégalais, la plupart des Guinéens, même dans les mariages, on dépose les colas. Mais chez nous, on ne dépose pas les colas. Quand on va marier la femme, par exemple, je parle du cas de Galois, nous déposons quelque chose d'important qu'on appelle l'ekombe. Et cette ekombe-là fait partie des éléments que moi, je vais mettre pour parler à mes ancêtres. Ou bien le vin de palme. D'accord? Donc, ne confondons pas tout. Un Gabonais ne doit pas prendre la cola pour donner à ses ancêtres. Parce que l'ancêtre va te regarder, mais la cola, moi, je ne connais pas ça. Vous comprenez? Maintenant, nos frères de l'Ouest, souvent ils mettent les colas dans les calebasses, ils ajoutent même du blé, ils ajoutent ce qu'eux ils mangent. Nous, chez nous au Gabon, pour nourrir nos ancêtres, vous leur donnez la nourriture qu'ils avaient l'habitude de manger. C'est de la nourriture, ça c'est mon rite à moi, ça c'est ce que moi mes ancêtres m'ont dit. Pas de sel, il ne faut pas saler. Et on ne doit pas goûter cette nourriture-là. On ne la goûte pas pendant qu'on la prépare. Personne d'autre ne doit préparer cette nourriture sinon vous-même. Et je l'ai déjà dit, il y a une vidéo ici. Une fois que vous avez préparé les mains, donc par exemple la banane, ils aiment bien, le manioc, le foufou, ou encore, maintenant du côté du poisson, vous pouvez prendre le poisson ou bien le poulet. Vous le faites cuire, mais ne mettez pas du sel. Ça, c'est une consigne qui m'a été donnée lorsque j'ai reçu ce rite-là. Et du côté des boissons, vous pouvez donner les boissons qu'ils avaient l'habitude de consommer. D'accord? S'ils avaient l'habitude de consommer, moi, par exemple, je ne touche pas aux alcools. Donc, si je quitte ce monde-là, eh bien, mes enfants doivent savoir que s'ils veulent s'adresser à moi, ils n'oseront pas mettre une bière, regarde. Ils n'oseront pas mettre un whisky ou quoi que ce soit. Donc, mais la plupart des ancêtres, bien sûr que je ne veux pas frapper mon enfant dans le monde invisible, mais la plupart des ancêtres l'acceptent. Voici la liste. Vous prenez dans ce que vous allez offrir la liqueur. La liqueur généralement acceptée, c'est le rhum. Chez nous, Afrique centrale, donc Centrafrique, Congo, Gabon, Cameroun, c'est le rhum. Renseignez-vous, c'est le rhum qu'on utilise. Vous comprenez? Et en dehors du rhum, vous pouvez ajouter le vin rouge. Le vin rouge qui symbolise le sang, selon les écrits du prophète Simon Kimbangu. Il a expliqué ça dans un livre. Alors, ça c'est pour les ancêtres. Une fois que vous avez érigé votre table, il y a près de 7 voire 9 vidéos qui expliquent toute la technologie et toute la mise en place de ce rituel-là. Vous pouvez le faire dans votre maison. Vous pouvez le faire pour ceux qui vivent en Europe. J'ai même dit, j'ai adapté. Et si vous vivez au village, c'est encore mieux. Vous pouvez faire ça derrière votre maison. J'ai expliqué comment faire la coupole d'entrée de vos ancêtres, où ils peuvent venir manger tranquillement. Souvent, c'est symbolisé par certains insectes que vous verrez, symbolisé par certains oiseaux qui ne viennent nulle part, qui vont consommer ceci. D'autres, vous ne verrez rien. Moi, mon cas, les miens disparaissent comme ça. Quand je me réveille le matin, le vin est déjà parti, la nourriture est partie. Et pourtant, il n'y a aucun animal à côté. Mais ça, c'est un autre niveau. Donc, pour d'autres, vous verrez qu'il y a des insectes qui sont venus le lendemain et vous arrivez, les aliments sont toujours là. Sachez que les aliments que vous déposez, que ce soit pour vos ancêtres, que ce soit pour les génies, que ce soit pour les entités à type grégorique ou à type spirituel, ces aliments-là, ils ne les mangent pas littéralement. Mais c'est l'énergie qui sort de ces aliments que eux ils consomment. Donc, si le lendemain vous réveillez, vous trouvez toujours la banane est là. Vous trouvez toujours le poisson est là, vous dites, mais mon Dieu, ils ont mangé quoi? Non. Ils ont consommé ce que vous faites, comme je l'explique dans d'autres vidéos. Vous prenez, vous emballez dans un sachet noir et vous allez le jeter dans une poubelle. Quelqu'un va me poser la question, pourquoi un sachet noir? Je ne vais pas vous dire, ce n'est pas toutes les choses qu'on doit vous expliquer. Suivez seulement ce qu'on vous dit. D'accord? Ça, c'est pour les ancêtres. Maintenant, pour ce qui est des génies familiers. Les génies familiers, je vous avais dit, il y en a plusieurs génies. Il y a des génies à type golem. Les génies à type golem, ce sont les génies que les juifs avaient fabriqués au début du 15e siècle, qui pouvaient faire la cuisine, mais qui s'aimaient des dégâts parce qu'ils allaient jusqu'à tuer les êtres, tuer les animaux. C'était des génies familiers, c'est-à-dire qui étaient de taille jusqu'à 3 mètres de taille. On fabriquait donc un homme à base avec du bois, c'est un robot. Voilà. Les robots que vous voyez les Japonais fabriquer, ils se sont inspirés des génies familiers de type golem. Et les juifs étaient les premiers à les faire sortir. D'accord? Maintenant, je vais vous expliquer comment on fabrique ça, ces génies familiers. Je ne peux plus rentrer là-dedans. On les fabrique à partir de certains éléments de la nature. Par exemple, chez nous en Afrique, on appelle ça les petits bouitis. Mais ces petits bouitis, ça partit des bois, de certains arbres spécifiques. Ce n'est pas n'importe quel arbre. Certaines tribus, les Masango, les Betsoro, ils utilisent ce qu'on appelle le Mudouma. Le Mudouma est beaucoup plus adapté pour pouvoir fabriquer et mettre des condensateurs dans cette poupée. Parce que c'est une poupée que vous fabriquez à partir de Mudouma, hein, ou bien un autre arbre adapté. Je crois qu'il y a 3 formes d'arbres, mais Mudouma fait partie. Le Mudouma, parce que le lienage et le corps de cet arbre n'est pas trop dur. Donc, il faut trouver ce genre de corps, ce genre d'arbre-là. Donc, vous avez fabriqué, vous faites, et une fois que vous l'avez fait, vous avez chargé. J'explique tout cela dans la vidéo intitulée « Comment fabriquer un génie familier ». Et deuxième partie, la talismanie pratique, qui consiste, donc qu'est-ce que c'est la talismanie pratique? Ça consiste donc à fabriquer des génies ou des dieux, ou même les véritables talismans. Par exemple, celui-ci, c'est un talisman qui a été fabriqué à la main. Nous avons fait des charges, ok? Ceci est une bague qui a subi les mêmes règles de la talismanie pratique, la même chose que celle-ci. Donc, tous les transferts des forces, des esprits, des énergies, des paroles, des mantras, des cérémonies, du sang qui se verse, ou je ne sais pas trop quoi, des fruits. C'est ça la talismanie pratique. Maintenant donc, pour le cas des génies familiers, les génies familiers se nourrissent des éléments suivants. Au départ, quand vous fabriquez vous-même le génie familier, c'est-à-dire quand vous fabriquez votre boutique, vous devez le programmer vous-même, quel genre d'aliments vous devez lui donner. Moi, personnellement, quand j'en fabriquais au Gabon, eh bien, je les nourrissais avec du miel. Je le nourrissais avec du miel tous les 3 jours. Ça, c'est le programme et le régime que je lui ai imposé. Vous devez le faire jusqu'à sa destruction. Le génie familier a une durée de vie limitée. Qui me le dit? Ce fut mon maître et initiateur, professeur, M. Pierre Manouri, qui m'a initié en plein dans ces choses-là. Et également un frère que je ne vais pas citer le nom puisqu'il vit encore, mais qui est un grand frère. Hein, aujourd'hui, il a 84 ans. Il est Massango. Il vit dans Mimongo. C'est lui qui m'avait expliqué que quand vous fabriquez le petit bouti là, il y a une durée de vie limitée. Il faut faire très, très, très attention. Ça a été confirmé par le stage que j'ai subi, la formation que j'ai subi auprès de M. Pierre Manouri, qui nous expliquera que une fois vous avez chargé, vous avez mis le condensateur, vous avez mis tous les éléments, le genre de filtre qu'il faut mettre, vous avez programmé, vous faites la programmation. La programmation, on dit, vous chargez maintenant la mission que ce golem, que ce génie familier va faire. Mais le génie familier est représenté par une statuette, hein, il faut le retenir. Et cette statuette, donc, il y a un condensateur au milieu, et il y a une technique, on brûle, on chauffe, on charge, on part, il y a beaucoup de choses. Et vous programmez, vous mettez son nom, et en même temps, vous devez programmer sa date de mort. Voyez-vous? Vous devez donc le déprogrammer. Vous programmez et vous le déprogrammez. Et quand vous avez arrêté cette date de mort, chez les Occidentaux, c'est 3 ans. Bon, chez les parents, Matsango, chez qui j'ai appris la technique, il m'a dit, pour lui, c'est 5 ans au maximum. Mais s'assurer que après la date, vous devez détruire ce génie-là. Dans le monde invisible, c'est une entité, c'est une énergie visible qui agit en lieu et place à vos demandes légitimes. Il faut bien retenir. Donc, le génie familier, on le nourrit avec le miel. On le nourrit également, il y a certains qui le nourrissent avec de la banane. D'autres le nourrissent avec du sang animal. Donc, vous égorgez un poulet, vous allez verser. Vous le versez donc au pied de votre statuette. Mais cette statuette qui est là représente un génie familier à titre égrégorique. Donc, il y a une entité, il y a une égrégore qui est dans le monde invisible, qui est bel et bien puissant. Mais seulement le danger, c'est quoi? Lui grandit tellement vite qu'au bout d'un an, il a déjà l'âge de quelqu'un qui a 50 ans. Au bout de 2 ans, il a déjà l'âge de 75 ans. Au bout de 3 ans, ça veut dire qu'il est maintenant prêt à se réincarner et se désincarner, à devenir une entité qui va s'aimer les dégâts. Donc voilà pourquoi il faut limiter son temps. Et quand vous l'avez habitué à nourrir du sang, faites très attention. Vous le nourrissez du sang animal, le jour où il ne trouvera pas le sang animal, ben, puisque c'est un esprit, vous ne le contrôlez pas et que vous avez fait un voyage, à moins que vous voyagez, même quand vous voyagez avec lui, s'il trouve un bébé dans un avion, le pauvre bébé va tomber, le sang va couler, il se nourrit de ce sang. Donc le génie familier, c'est vous qui devez contrôler cette alimentation en permanence. Le génie familier a un danger parce que si vous ne contrôlez pas son alimentation, si vous ne contrôlez pas sa date de mourir, sa date de déprogrammation, parce qu'il faut le déprogrammer et le tuer rapidement avant l'âge de 3 ans. Si vous ne le faites pas, vous allez créer un robot dans le monde invisible. Et c'est ainsi que le monde invisible est peuplé des multitudes, des milliers et des millions de ce type de génie égrégorique. Il y en a plus de génies égrégoriques que spirituels. Et c'est nous qui les créons. Donc pour cela, il vous est exigé pour purifier les terres, pour garder la planète, mais comment dirais-je, le monde immatériel pur et propre, il faut détruire votre génie familier. Donc celui-ci, je vous ai dit ce qu'il faut pour le nourrir. Maintenant, en dehors du génie familier, il y a le génie de votre pays. Le génie de votre pays, n'oubliez pas que ça, c'est un génie non pas qui n'est pas à titre grégorique, mais c'est un génie à titre spirituel, c'est-à-dire que créé par Dieu lui-même. Celui-ci, il est nourri en fonction de la matrice, en fonction du pays. Moi, je n'ai pas eu l'autorisation de qui que ce soit ou de mes frères initiés du Gabon pour venir vous dévoiler le secret comment nourrir l'entité de mon pays, le Gabon. Je sais comment la nourrir. Mais seulement ce que je peux vous le dire, et je le répète comme je l'ai dit la dernière fois, on ne le nourrit pas avec le sang. C'est faux. On ne le nourrit pas avec la banane, c'est faux. On ne le nourrit pas avec la viande ou le poisson, c'est faux. C'est tout ce que je peux vous dire. Au même titre que les génies des villages, les génies des eaux, les génies des plantations, des montagnes, Mont Ibundji à gauche, à droite, ces génies-là, c'est la même manière qu'on nourrit le génie du pays. Mais sauf que le génie du pays, il y a une nourriture assez spéciale. Donc, je me retiens. La discrétion l'exige. Mais ce que je peux vous dire pour le génie du pays, ça s'applique à tous les pays. Il faut nourrir ce génie-là, cette entité de votre pays, de vos énergies émotionnelles. Vos énergies à vous. Ça veut dire qu'il y a des actes d'adoration qui se font. Oui, il y a des actes d'adoration qui se font. À certaines heures, vous devez vous présenter devant cette entité-là. Mais en dehors de ça, les entités qui sont dans les villages, dans les montagnes, ceux-là également, on ne les nourrit pas avec du sang. C'est pour cette raison que certains pays ont des problèmes jusqu'aujourd'hui. Parce qu'ils ont commis l'erreur de nourrir les entités qui sont en dessous de l'entité du pays en faisant des sacrifices humains. Et c'est ainsi, ça a donné une habitude à ces entités-là, que ça va être dur. Mais en réalité, les entités de type du village, les entités de famille, ces entités-là, on les nourrit des biscuits, on les nourrit de limonade, ils ne prennent pas d'alcool, on ne les nourrit pas d'alcool. Ces génies-là, on les nourrit des mêmes aliments que on donne aux sirènes, celles que vous appelez Mamie Wata. C'est les mêmes aliments. Je n'en dirai pas plus. Si vous avez déjà convoqué Mamie Wata, comme moi je l'ai fait de par le passé, vous saurez. Mais si vous ne l'avez jamais fait, n'oubliez pas que dans ces aliments, il y a la limonade, il y a les biscuits, et pas n'importe quel biscuit. Les biscuits s'appellent Petit Bonnet. Voyez-vous? Il n'y a aucune nourriture de source animale ni de source humaine, s'il vous plaît, qu'on leur donne. Mais malheureusement, je le répète pour ne pas être tautologique, il y a certains qui ont commis ces erreurs. Voilà pourquoi certains de ces entités sont maintenant fâchés, sont complètement en colère. Mais sinon, les mêmes aliments que vous donnez au génie de la mer, ce sont les mêmes aliments que vous donnerez au génie de votre pays, au génie de votre village. Et également à vos génies de la famille. Mais ici, comme je disais, je vais revenir sur les génies de pays. Il y a également les fruits. Voilà. Il faut donner également les fruits, les œufs, comment on appelle ça, les biscuits, les limonades. Pas d'alcool sur sa table quand vous voulez lui parler. D'accord? Ça sont pour les génies du pays. Mais chaque pays a d'autres rites beaucoup plus spécifiques. Et celui du Gabon, mon pays, c'est ce que je voulais dire. Il y a un rite, c'est ça même qu'on appelle la clé. Mais ça, je ne peux pas en parler en public. Seuls les initiés du Gabon connaissent. Et j'ai eu accès à cela comme cela. Dieu seul sait. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Maintenant, les génies de type génie des familles, les génies des clans, ces génies-là, ce sont des génies, comme je vous ai parlé, mon cas, que mes ancêtres, avant de quitter ce monde, ils m'ont, du côté de mon père, ils m'ont donné 47 entités ou génies. Mais ces génies, ce sont des esprits réels que mes ancêtres de leur vivant aussi peut-être adoraient, peut-être le mot est trop fort, mais oui, puisque Dieu agit par pouvoir délégatoire. Ce sont ces génies qui faisaient en sorte que mes ancêtres étaient puissants. Ce sont ces génies qui faisaient en sorte que vos ancêtres étaient des hommes qui ont le pouvoir de commander, qui étaient de la famille royale, et ainsi de suite. Ça n'a rien à voir avec les ancêtres. Les ancêtres, ce sont des esprits désincarnés. Mais ces esprits désincarnés avaient une connexion avec des entités de l'au-delà qu'on appellerait des anges ou des génies ou les djinns. Ces djinns ont été créés depuis la nuit des temps, directement par Dieu. Quand vous lirez la Bible, le Coran vous dira, Dieu créa d'abord les cieux. Il créa d'abord les populations du monde invisible et ensuite décida de créer le monde visible. Mais la création du monde visible fut faite avec le concours des Elohim. Ceux-là qu'on appelle les Elohim, donc, Ce sont ces génies-là. Ce sont ceux-là que vous appelez des anges. Mais il y a une spécificité angélique. Pas n'importe quel ange. Il y a des principautés, il y a les chérubins, il y a des séraphins, il y a les gesserissins, il y a, je ne sais pas moi, allez-y lire la Kabbale, ils vont vous renseigner. Allez-y lire également les livres écrits par, comment dirais-je, Bernard Frayon, la littérature gréco-romaine, vous en parlera de tous ces génies-là. Mais, pour ce qu'il faut retenir, le génie de famille veut dire que ce sont des esprits, ce sont des esprits, vous pouvez appeler chez les chrétiens, angéliques, mais qui travaillaient pour le compte de vos ancêtres. Donc, ne confondons pas tout depuis le début, comme je l'ai dit. Les ancêtres, ils ont leur nourriture que vous avez l'habitude de manger. Mais maintenant, les génies, moi, mes 45 génies du côté, 47 génies du côté de mon père, c'était mon grand-père qui m'avait montré quel genre d'aliments il faut les donner. Ça, là, je ne peux pas vous dire. Je suis désolé, vous n'êtes pas de ma famille. Ça, là, je dirais ça aux cousins, aux parents, d'abord à mes enfants directement qui s'intéresseront, s'ils veulent travailler avec ces 47 entités-là, qui sont des esprits réels, chacun un rôle bien spécifique, et le nombre de fois qu'il faut les nourrir par semaine. Mais moi, j'ai modifié la donne avec eux. À cause du yoga, à cause des techniques de méditation, j'ai beaucoup plus développé le côté nourriture mystico-spirituelle. Donc, je les nourris beaucoup plus avec mes émotions. Voilà pourquoi, si vous avez constaté dans la plupart de mes vidéos, je dis toujours mes ancêtres, mes entités, se soumettent à mes caprices. Je peux les engueuler, ils ne peuvent rien me faire. Or, ce n'est pas n'importe qui le fait. Ce n'est pas n'importe qui. Mais parce que moi, je leur ai imposé mon régime alimentaire. D'accord? Par exemple, au mien, j'ai imposé le régime végétarien. Moi-même, je suis végétarien, donc je leur ai imposé ce régime-là. Voilà. Au début, ça boudait, mais à la fin, ils sont habitués. Bon, maintenant, au-dessus de ce régime végétarien, je ne vois plus l'importance. Mes ancêtres aussi, c'est la même chose. Mes ancêtres, je ne vais plus trop dans la forêt, mais depuis mon lieu de temple, depuis ici, depuis ma chambre, eh bien, je les nourris avec mes émotions. Je les nourris avec mon esprit. Oui, oui, oui, il y a la possibilité de le faire. Mais il faudrait que votre corps énergétique soit bien rempli. Il faut donc beaucoup, beaucoup de fruits. Il faut consommer les fruits et les légumes le matin. Il faut consommer ce qu'on appelle les noix. Les amandes de tout type, durant les heures creuses. Il faut consommer ça. Et avant 17, la journée, il faut consommer des protéines d'origine végétale. Bon, maintenant, d'autres qui trichent comme nous, je prends dans mes œufs, mais j'enlève le jaune d'œuf. Le jaune d'œuf, comme vous le savez, c'est la partie de la graisse. Mais la partie blanche, là, c'est celle-là qui crée le plus grand nombre de protéines. En dehors de ces protéines d'œuf, je prends les protéines de noix, du corps de noix, du palmier. Le corps du palmier, je ne mange pas les tofu. Les tofu, j'ai découvert le secret, c'est des conneries qu'ils ont fabriquées pour empoisonner les gens. C'est fait à base, d'ailleurs, de beans. Beans, on appelle ça comment? Haricots. Mais la manière dont nos frères chinois, là, nous ont empoisonnés, je les ai tombés. Je préfère souvent recevoir les corps de palmier du Congo et du Gabon parfois. D'accord? C'est là que vous trouvez les vraies protéines. Et donc, quand vous vous nourrissez comme ça, également, pas d'alcool. C'est très important. Pour pouvoir être en mesure de nourrir vos génies, les génies que vos ancêtres vous ont laissés, et même pour pouvoir communier avec vos ancêtres sans passer par le système classique de donner le manioc, le foufou, les ceci et les cola, et que vous allez faire comme moi, de les nourrir par l'esprit, eh bien, attention, ne consommez aucune goutte d'alcool pour le reste de votre vie. Pas d'alcool. Et ça, c'est un choix que j'ai fait. Je n'ai jamais consommé et je n'en consommerai pas de liqueur ni quoi que ce soit jusqu'à ce qu'eux, ils décident autrement. Donc, vos génies ne se nourrissent pas de la même nourriture que vos ancêtres. Maintenant, ce qu'il faut retenir, les génies à type égrégorique, au niveau des génies familiers, j'en ai déjà expliqué, il faut faire très attention. On ne doit pas confondre les génies spirituels et les génies à titre égrégorique. Vous comprenez? Regardez les chrétiens à l'église catholique. Il n'y a pas que l'église catholique. Toutes ces églises, regardez ce qui se passe. Est-ce que vous savez comment eux nourrissent leur égrégore qu'on appelle Jésus? Mais c'est par le culte qu'ils font. le culte qu'ils font, ils nourrissent cet égrégore. Le culte qu'ils font, ils prennent la communion. Le culte qu'ils font, ils prennent le vin. Le culte qu'ils font, eh bien, ils prêchent. Le pasteur qui rentre en transe, et tout, et tout, et tout. Voilà un filigrane invisible, d'où le gourou qu'est le pasteur, qui représente le courant énergétique de l'égrégore, pour pouvoir nourrir l'égrégore. En réalité, le pasteur est la pièce maîtresse qui nourrit l'égrégore christique. Mais comment il nourrit cet égrégore christique? Mais c'est sous couvert des ouailles. Parce que les ouailles sont soumises aux caprices du pasteur. Les prises des genoux qu'il fait, la prêche qu'il fait, et surtout si c'est un bon pasteur qui connaît les grands mystères mystiques comme votre humble serviteur, c'est encore pire. Parce que là, le pasteur va maintenant amener tout le monde à la voie christique, mystique. Donc, ce que j'ai appelé la mystique chrétienne. Mais dès lors que vous rentrez là-dedans, donc l'égrégore christique aura un pouvoir. Mais ce qui nourrit également l'égrégore christique, parce que là on rentre dans maintenant le cas des génies égrégoriques. Jésus-Christ, c'est un égrégore, ça, puisqu'il n'a jamais existé en tant que personnage réel. Et je ne veux pas revenir dessus, je ne veux pas voir un chrétien qui va venir me dire, me faire un discours ici. D'accord? Ça, ce ne sont pas des déclarations gratuites, mais c'est des recherches scientifiques. Il y a des documents qui sont là, la mer Rouge, la mer Morte, et même au Vatican, au 7e étage, sous le sous-sol, sous les documents qu'on appelle Vaticanus, les documents 681, 650 et le document 650, 648 des fonds latins vous donnent toutes ces informations qui ont été gardées secrètes jusqu'à ce jour. Informations selon lesquelles eux, ils ont créé Christos. C'est écrit en latin. Ils ont créé Christos. Donc, c'est pas moi qui le dis. On continue. Ceci donc étant, les musulmans, nos frères musulmans, quand ils prient Allah, Allah, c'est le nom de Dieu, n'est-ce pas? Mais vous verrez que ce n'est pas le nom de Dieu. En arabe, Allah veut dire Dieu, mais ce n'est pas le nom de Dieu. Mais par contre, puisque l'islam fonctionne sur Allah Akbar, mais Allah, l'islam est devenu l'égrégore le plus puissant du monde, en termes de génie, en termes d'esprit égrégorique, de par d'abord, un, le recrutement. Mais l'égrégore des musulmans, l'égrégore des arabes est tellement puissant parce que les gens y mettent beaucoup d'énergie. Ils mettent de l'argent. Ils prient 4 fois par jour. Mais l'égrégore devient de plus en plus puissant parce que n'oubliez pas que ce qui alimente l'égrégore, pour revenir à ce que je viens de dire par rapport à moi, quand je m'adresse à mes génies, que mes entités, que mes ancêtres m'ont laissé, moi je ne les nourris pas avec les fruits ou quoi que les aliments que mes parents m'ont laissés. Non, je les nourris avec mon esprit. Mais comment je les nourris avec mon esprit? Mais le travail que je fais ici, je viens vous parler. Et je dis tout le temps, l'élu de Teta Monga dit Banga Banga. Et je parle avec autorité par le pouvoir de mes ancêtres, le pouvoir des génies que mes ancêtres m'ont donné et qui se soumettent à mes caprices. Et quand je me tais, les gens qui me demandent, oh, les rites que tu fais, c'est quoi? Mais je rentre en communion, je répète le chef de tous ces 47 génies ou entités, mais ils sont en communion avec moi. Mais moi, je les nourris de la même manière que dans les mosquées, dans les églises, ils nourrissent leurs égrégores religieux par un programme, ce que j'appelle la programmation. Et cette programmation, c'est l'ensemble des dogmes, des rythmes, des ceci et de cela, et des rituels et des observations. Aller à la Mecque, au Hajj, pour devenir le Hajj. Je ne sais pas si les gens savent ce que ça veut dire, El Hajj. En réalité, ne portez jamais ce nom de El Hajj. Vérifiez auprès d'un arabe, il va vous expliquer ce qu'on appelle El Hajj. Vous ne serez pas fiers d'avoir ce nom-là. Bref, voilà ça également, les religions font la pratique également égrégorique. Bon, je pense que je réserverai cela pour un prochain jour parce que je ne veux pas que l'heure dépasse. Oh là là, je ne veux pas atteindre 1 heure. Nous allons maintenant parler comment nourrir les totems. Le totem, c'est représente votre histoire, comme je l'ai dit. Par exemple, vous verrez le masque. Ça peut être un totem. Vous verrez le lion qui a été érigé devant le quartier de Yupougon. Un lion qui est là. Ça n'a rien à voir avec le lion d'Israël. En Israël, il n'y a jamais eu de lion. Au fils de Judas, le lion, la tribu des lions. Vraiment. Mais réfléchissez-en. Je crois que les frères ivoiriens sont plus avancés parce qu'il y a des écoles de Kabbale là-bas qui leur expliquent que non, non, non. Les véritables juifs, c'était des noirs. Et d'ailleurs, il y a une tribu qu'on appelle la tribu de Dan. Cette tribu de Dan se trouve en Côte d'Ivoire, se trouve au Gabon, se trouve au Congo, je crois. Et une partie se trouve en Éthiopie et un peu plus loin. Bref. Je ne vais pas me perdre. Le totem. Le masque qui a semé un scandale, au cas du masque fang gabonais, que les Français, bêtement, sont allés vendre à un individu. Mais je vous dis que cet individu, hein, je ne lui souhaite pas la mort. Mais je vous dis, avec tout ce que nous sommes en train de faire jour et nuit. Je ne crois pas que ce type-là va finir l'an 2022. Vous aurez les nouvelles. Voilà ce qu'on appelle un totem. Le totem, le masque aussi, c'est un totem. Vous ne savez pas quel est le travail. Et quand je vois mon petit, que j'ai des problèmes pour prononcer son nom, ce que dont je suis fier, qui est allé récupérer des masques en Hollande, en France, et on l'arrête. Mais aujourd'hui, pourquoi vous voyez la France maintenant qui restitue ces choses-là? Mais parce que nous autres, on prie, on parle avec nos ancêtres, on secoue. Ces masques-là sont chargés des pouvoirs. Les totems. Le masque que vous voyez, c'est un totem. Ces histoires que vous voyez derrière moi, ce sont des totems si vous ne le savez pas. Et ça a été chargé. Un chat que vous verrez dans ma maison, c'est un totem. Une panthère noire en forme de statue, c'est un totem. Mais venez la nuit, vous verrez cette véritablement cette panthère. Donc, comment nourrir un totem? Étant donné que le totem, c'est aussi des esprits, mais de type égrégorique. C'est un égrégore. Ah oui, oui. Ça veut dire que c'est une entité. Le totem est une entité dans le monde invisible. Voyez-vous? Voilà pourquoi chez nous au Gabon, quand quelqu'un cite, il parle, il se présente. Bon, j'ai vu certains me faire la remarque, non, mais vous, quand vous parlez votre langue, on s'embrouille. Mais vous allez vous embrouiller où? Je vous dis l'essentiel en français. Le français, c'est seulement ma cinquième langue, je ne sais pas trop. Maintenant, comment je dis, mien moré, nous, mien moré, nous, mien moré, nous, mien moré, nous, mien moré, nous, mien moré, nous, mien moré, nous, mien moré. Quand je cite tout ceci, je donne mon clan, vous dites non, je vous dérange. Mais non, ça c'est cela qui fait en sorte que je vous parle. Que s'il y a un nyakouin ou bien un tocard qui va vouloir me pénétrer dans mon live, puisque la sorcellerie maintenant c'est à travers les lives, à travers même les réseaux sociaux, je vous informe, ok? Il ne pourra pas me pénétrer. C'est cela, c'est le sceau. La phrase que je prononce, c'est le sceau de connexion avec les miens. Quand je dis les miens, c'est-à-dire mes ancêtres et mes entités à moi. Avant de s'intéresser à l'entité de mon pays, le Gabon, ni à l'entité des États-Unis d'Amérique. Parce que les États-Unis d'Amérique, les 50 États ont également une entité. Et chaque État a une entité. L'État de l'Ohio, qu'est-ce qui a fait en sorte que je reste ici dans l'État de l'Ohio près de 20 ans? Je pourrais bien avoir ma nationalité à New York, on m'avait donné des opportunités. J'ai dit non, ici. Mais parce que mon vampire m'avait montré. Hein? L'entité de l'Ohio, je connais son pouvoir, je connais son nom et je connais comment le nourrir. Voyez-vous, pour répondre à la question de quelqu'un qui avait dit, mais comment les étrangers viennent au Gabon, ils viennent, ils prennent nos richesses et nous les Gabonais, la maboule posée. Mais non, mais parce que ces étrangers, le frère malien ou sénégalais, mais il connaît comment dompter les entités du pays. Il faut savoir dompter ces entités. Mais c'est pour cela que vous voyez que les Maliens, la Oussa qui vient du Cameroun à côté, il s'intègre tranquillement en Toumou, bien s'intègre tranquillement à Libreville. Au bout de 5 ans, il a maintenant un grand boutiquier. Là, il a commencé à vendre 5 sardines. Maintenant, il se retrouve à vendre des poissons salés et tout, et tout, et tout. Et puis, vous êtes surpris, les portes de la présidence lui sont ouvertes. Mais il a réussi à dompter les esprits du terroir. Moi, je suis Gabonais d'origine. C'est pas parce que j'ai pris la nationalité américaine en 2008. Mais aujourd'hui, moi, je dompte l'entité de l'Ohio. Je sais comment nourrir cette entité. Voyez-vous? Récemment, on a eu une grande cérémonie à Ohio, Chili. Chillicothe. Je suis allé à Chillicothe, il y a eu une grande assemblée, près de 3000 Indiens qui sont venus, des Amérindiens, autant pour moi. On a fait ce qu'on avait à faire, on a fait les rites, mais c'était tellement intéressant. Et je suis entré en communion avec cette entité-là. Mais cette entité, finalement, l'entité de l'Ohio, c'est une entité amérindienne. Et je suis allé loin pour découvrir que finalement, cette entité, quand je l'ai vue dans sa forme réelle, il est bien noir. Mais ce n'est pas pour rien que nos Noirs américains qu'on prend des fous osent dire que non, l'Amérique a été créée par des Noirs. Ils n'ont pas tort. Bref, donc notre totem doit être nourri au même titre que toute entité qui est de type égrégorique. Donc, il y a des cérémonies pour nourrir le totem. Notre totem également. Et là, quand je parle, que ce soit nos ancêtres, que ce soit le génie du pays, que ce soit le génie des eaux, des provinces, des villages, que ce soit les génies des quatre éléments, que ce soit les génies de naissance, que ce soit votre génie qui est né avec vous, je n'ai pas dit une seule fois qu'il faut les prier. Ne confondez pas. On ne les prie pas. Mais on rentre en communion avec. On exprime notre être-être à partir d'eux. Parce que notre existentialité, notre cordon ombilical est lié directement via nos ancêtres, directement à nos entités. Mais comme je suis né au Gabon, alors les entités de mes ancêtres sont en connexion avec l'entité du Gabon qui avait été posée là depuis des millénaires et des millénaires, depuis des millions d'années par Teta Mwanga d'Ibanga Banga. Voilà la vérité. Donc, pour conclure ceci, nourrir les entités, il faut savoir que chaque entité a sa manière de pouvoir être nourrie. On ne les nourrit pas n'importe comment. Et pour conclure que quand vous nourrissez tous ces mecs-là, il faut un élément très important, la discrétion. Au-dessus de la discrétion, n'oubliez pas ceci, que le geste n'est rien, mais c'est l'intention qui compte. Voilà pourquoi quand l'intention compte, j'ai compris cette philosophie, que c'est le geste, le geste que vous faites, c'est rien, mais c'est l'intention. Donc les aliments que vous venez poser, les limonades que vous venez poser, ce n'est que des gestes, mais c'est l'intention. Parce qu'avant de poser cela, votre esprit est déjà en communion directe. D'où la nécessité de maîtriser le prêt. Voilà, il faut maîtriser le prêt. Allez-y me suivre la vidéo sur le prêt. C'est un instrument que j'ai créé. Ça n'existe nulle part au monde si c'est ce que sur cette chaîne. Je vous encourage donc tout le monde d'apprendre le prêt et de maîtriser cela. Donc, ce prêt, c'est de pouvoir réguler vos pensées. Il faut comprendre que c'est votre pensée qui est le moteur de tout. Avant de faire un rituel, vous rentrez en mode de pensée. Vous comprenez? C'est d'abord l'intention. Toute opération magique, c'est d'abord l'intention. Le reste suit tout seul. Et les religieux vont dire, c'est la foi. La foi, c'est croire bêtement. La substance, la croyance à des substances. Croire. La foi, c'est la claire démonstration des réalités que l'on ne voit pas, mais que nous sommes sûrs que ça va se passer. Et par la foi, on croit comme ça là. Alors, on nous donne des exemples de M. Moïse, qu'on a dit, marche seulement sur l'eau. Ils oublient que Moïse, le bâton que Moïse avait tapé sur les eaux pour fendre, c'est un bâton magique qui avait été chargé pendant près de 80 ans. Ça, les gens ne le savent pas. Et que ce bâton avait des pouvoirs des 12 tribus juives. Ça, les gens ne savent pas. Et que chaque tribu avait un génie particulier. Des 12 tribus, on arrive au nombre 72. Pourquoi? Posez-vous la question. 6 fois 12 égale combien? Merci beaucoup. Je crois qu'on a tout compris. Que chaque entité, chaque génie, vous devez apprendre à le nourrir. D'accord? Et ce qui compte le plus, c'est l'intention. Je vous remercie de m'avoir suivi. D'ici là, portez-vous très bien. Si vous avez des questions, laissez-les dans les forums. Ici, sur ces vidéos, il n'y en aura pas suffisamment de l'espace. Merci beaucoup. Que Teta Mwanga vous bénisse. Merci encore.